Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Françoise Godette-Smette et le mouvement de libération des femmes. Françoise, vous dites que je ne suis pas plus féministe qu'il le faut. Je me demande un peu ce que vous pensez des mouvements de libération de la femme, de tout ce qui s'écrit sur les femmes. C'est-à-dire, moi d'abord, ça fait 50 ans que je me libère. C'est assez réussi, hein? Je ne sais pas. Non, mais c'est une chose qui ne m'est jamais venue à l'idée. J'ai eu une mère qui était forte, qui était indépendante, qui travaillait parallèlement avec mon père. Et puis, je n'ai jamais cru qu'elle faisait des choses que mon père ne pouvait pas faire aussi bien qu'elle. Puis, alors, ça, c'est une chose qui ne m'est jamais venue à l'idée. Françoise Godette-Smette à l'émission La vie quotidienne, animée par Lisette Gervais en 1977. Difficile de situer Françoise Godette-Smette dans l'histoire du féminisme au Québec. On peut certainement pas la classer parmi les féministes au sens où on l'entend habituellement, mais elle a indéniablement joué un rôle important dans l'affirmation, dans le sens de fierté retrouvée aussi de ces très nombreuses femmes qui la lisaient, qui l'écoutaient à la radio ou qui la regardaient à la télévision. L'auteur Louis Caron a d'ailleurs pensé à cette expression assez jolie de féminisme tranquille, pour parler de Françoise Godette-Smette. Françoise Godette-Smette est née à Sainte-Eulalie-de-Nicolet le 26 octobre 1902. Fille de colons, de marchands et de députés, Françoise Godette s'intéresse très vite aux petites choses qui font la vie autour d'elle. En face de l'église, on entendait sonner les baptêmes, on entendait sonner les tétons, les glas quand il mourait quelqu'un. Mon Dieu, les glas, qui est mort? Parce que c'était mon père qui chantait le service à l'orgue. Puis ensuite, à l'âge de 18 ans, moi, j'ai pris l'orgue jusqu'à ce qu'on quitte ici. Après des études supérieures, Françoise devient la secrétaire de son père, puis la secrétaire d'Olivard Asselin, et ensuite, elle devient journaliste. Françoise Godette-Smette écrira des tonnes d'articles et passera rapidement à la radio et à la télé. Pour elle, il n'y a qu'un thème, la femme au foyer et le culte du terroir. Alors, les commencements, les sources, eh bien, voici la feuille de sauge. On l'a honorée, décorée, elle a visité 30 pays, écrit des livres, mais elle aimait surtout aider les autres, leur enseigner des petits trucs et puis admirer le paysage qui l'entourait. Et à l'aube de ses 83 ans, elle disait avoir pourtant bien peu fait dans sa vie. Une vie réussie. Pourquoi vous me demandez ça? Est-ce que votre vie est réussie? Ben, j'ai pas fait la moitié de ce que j'aurais voulu faire, mais c'est peut-être parce que j'avais... Vous avez encore du temps. Parce que j'avais des grandes ambitions, hein? T'sais? Ici Claude Gervais à Montréal. Extrait du téléjournal du 4 septembre 1986, jour du décès de Françoise Godette-Smette. Pour nous parler de la place qu'elle a occupée dans le mouvement féministe au Québec, je reçois Sophie Doucet, qui est spécialiste de l'histoire des femmes. Sophie Doucet, bonjour. Bonjour, Jacques. Alors, quelle place elle a occupée, Sophie Doucet, Françoise Godette-Smette, dans le combat des femmes au Québec? Bien, évidemment, on l'a entendu dans les extraits, hein? Elle occupe une place tout à fait à part, en marge du combat des femmes traditionnelles. Parce qu'elle s'intéresse à l'émancipation d'une certaine catégorie de femmes, les femmes des campagnes. Donc, elle, le combat politique, le combat pour plus de droits, elle laissait ça à d'autres. Elle va même se dire, dans les années 20-30, opposée au droit de vote des femmes, comme beaucoup, beaucoup de femmes, on l'oublie, mais beaucoup de femmes dans les années 20 étaient opposées au droit de vote. Ça nous paraît inconcevable. Mais elle voyait l'émancipation comme quelque chose qui devait se faire d'abord dans la maison. Et à travers tout ce qu'elle a fait, ses articles, ses livres, ses conférences, elle a prôné l'épanouissement des femmes rurales, non par l'acquisition de nouveaux droits, mais par l'appropriation de savoir-faire traditionnels, comme le tricot, la couture, le crochet, la cuisine, etc. Elle y voyait même dans cette pratique, en fait, des arts traditionnels, une forme d'autonomisation des femmes dans leur maison, mais c'est un petit peu ça la logique, non? Oui, oui, c'est vraiment l'affranchissement par le savoir, en fait. Puis le savoir, ça voulait dire le savoir de ces compétences-là, ancestrales, mais pas que ça. Aussi, on va voir plus tard que c'est une femme très cultivée qui trouvait important de meubler son esprit, en plus de savoir-faire. Et puis, c'est une femme qui a été, dans son rayonnement, déjà, on peut le dire, Sophie Doucet, elle a été importante dans cette marche, dans ce combat des femmes, de par l'audience qu'elle avait. C'était une vedette, là, Françoise Godette-Smette, à une certaine époque. Ah oui, oui, c'était une véritable star, en fait. C'est drôle qu'elle soit autant oubliée aujourd'hui, parce que je sais pas si quand j'en parle autour de moi, les gens la connaissent pas vraiment. Mais dans les années 60, 70, 80, elle était connue de tout le monde, parce qu'elle faisait de la radio, elle faisait de la télé, autant à Radio-Canada qu'à Télémétropole. Elle avait écrit dans à peu près tous tous les journaux, j'exagère, mais dans énormément de journaux. Elle faisait des conférences dans toutes les paroisses, dans tous les villages. Elle était chargée de cours à l'Université d'Ottawa, à l'Université de Trois-Rivières. Donc, vraiment, elle était partout, Françoise Godet-Smet. Et elle est perçue comme... On va rester sur le thème du féminisme, parce que c'est vrai que c'est un... Elle est difficilement classable. On parlera de la perception que les féministes d'aujourd'hui en ont dans un instant, mais à l'époque où elle est active, déjà, le mouvement féministe est bien enclenché, là, les années 60, 70, 80. Comment elle est perçue à ce moment-là par les milieux féministes? Bien, j'ai pas trouvé de texte où on parle d'elle ou des féministes des années 60 et 70 parleraient d'elle, mais je peux imaginer qu'on pouvait l'apercevoir avec un peu de condescendance, ouais. Parce qu'elle pouvait donner l'impression d'un appel au repli sur la sphère traditionnelle, sur la sphère de la famille. Pourtant, comme on l'a entendu, elle voyait pas ça du tout comme ça. Pour elle, c'était vraiment une question de pouvoir, en fait, de regagner du pouvoir dans la sphère domestique. Donc, elle était féministe à sa manière, mais sans utiliser le mot, en marge du mouvement pour les droits des femmes. Et aujourd'hui, c'est votre champ de spécialisation, vous étudiez l'histoire des femmes. Elle est perçue comment aujourd'hui dans les départements d'études féministes, par exemple? Je pense qu'on commence à la redécouvrir. Il y a un article qui a été écrit par Jocelyne Mathieu dernièrement sur elle. Et en tout cas, je vais parler pour moi. Je pense qu'on ne peut pas nier que sa contribution est extrêmement originale, puis qu'elle est importante aussi, parce qu'elle a rejoint des milliers de femmes à qui elle a redonné une fierté d'être ce qu'elles étaient. Mm-hmm. Puis c'est pas rien, ça. C'est une forme de féminisme, je pense. Parlons un petit peu de son parcours. Elle grandit en milieu rural, Françoise Godet-Smet, dans le village de Sainte-Eulalie. Quel genre d'enfance elle a? Elle est née en 1902, hein, donc au tout début du 20e siècle. C'est la quatrième des 10 enfants d'Alexandre Godet et de Flore Bourgeois qui tiennent le magasin général au village de Sainte-Eulalie. Donc, Françoise Godet-Smet passe son enfance entourée de gens. Il y a la famille élargie, les tantes religieuses, oncle curé, mais aussi tous les clients qui viennent au magasin, qui viennent, entre autres, consulter sa mère, qui est une femme très, très respectée dans le village, qui donne des conseils sur la santé, sur à peu près tout. Et donc, elle a une enfance rythmée par les saisons de la terre, par l'agriculture, et aussi par le calendrier religieux. Ça frappe vraiment quand on lit son autobiographie à quel point, puis ça, on a oublié ça, là, mais à quel point la vie des gens au début du 20e siècle était rythmée par le calendrier religieux, l'Avent, le Carême, les 40 heures, toutes ces fêtes qu'on a oubliées, qui rythmaient vraiment leur quotidien. Et François, c'est une petite fille, selon sa biographe Jeanne Desrochers, qui est très curieuse, qui écoute toutes les conversations au magasin, qui lit les revues puis les journaux qui sont offerts au magasin de ses parents. Et elle va être pensionnaire à 12 ans au couvent des Sœurs de l'Assomption à Watton. Là, elle va apprendre l'anglais, elle va apprendre la musique. Puis, elle va ressortir diplômée sur son diplôme d'institutrice, mais elle est trop jeune pour enseigner. Donc, son père l'embauche comme secrétaire. C'est son premier travail. Et puis, elle va éventuellement en venir à pratiquer le journalisme. Comment ça va se passer, ça, cette transition vers l'écriture, vers le journalisme, qui va être son métier, finalement? Oui. Mais d'abord, au début de la vingtaine, pendant qu'elle travaille pour son père, elle va avoir une sorte de crise mystique. Ah bon? Elle va se demander si elle ne devrait pas devenir religieuse, comme beaucoup de femmes qui ont écrit à la fin du 19e et au début du 20e siècle se sont posées cette question-là. Et elle va passer 3 mois dans un couvent pour se rendre compte que non. Finalement, c'est pas comme ça qu'elle veut servir sa communauté. Et ça va être par le journalisme. Elle va commencer en envoyant des articles à la Tribune de Sherbrooke sous le pseudonyme. Comme beaucoup de femmes journalistes à cette époque-là utilisaient des pseudonymes, elle utilisait Francesca et Louise Richard, le nom de son arrière-grand-mère. Et puis, à 25 ans, elle rencontre le directeur du journal La Parole de Drummondville. Puis, elle lui demande, avec son franc-parler habituel, « Voulez-vous bien me dire qui est responsable de votre insignifiante page féminine? Puis lui, il lui répond, « Ben, c'est moi. » Et du même souffle, il lui donne la responsabilité de la page féminine. Et là, elle va vraiment trouver sa vocation, Françoise Godet-Smette. Comme sa mère au magasin familial, elle va devenir, dans le courrier des lecteurs du journal La Parole, la confidente des lectrices, leur conseillère dans une chronique hebdomadaire. Ouais. Puis au milieu de la vingtaine, parce que ça reste quand même quelqu'un qui vient de ce milieu rural, oui, il y avait beaucoup de monde au magasin familial, mais quand même, c'est la campagne. Au milieu de la vingtaine, elle se met à graviter, toujours en région, mais elle se met à graviter autour du poète Alfred Desrochers, de son mouvement littéraire des Cantons de l'Est. Puis je dis ça de cette façon-là, parce qu'au fond, pour elle, ça va être important. C'est une espèce d'ouverture là, qui va se produire à ce moment-là. De quelle façon cette période-là, ce petit cercle-là autour d'Alfred Desrochers est important dans sa vie? Oui, elle va être introduite dans ce cercle par l'entremise de sa grande amie Jeanne Grisé, qui est aussi journaliste. Et pour elle, ça va être la découverte d'un monde plus cultivé, plus littéraire. Parmi les écrivains et poètes qui se retrouvent régulièrement chez Alfred Desrochers à Sherbrooke, il y a Claude-Henri Grignon, Émile Coderre, j'en arrache, mais aussi plusieurs femmes écrivaines, dont Jovette Bernier, Eva Sénécal, Simone Routier. Ce groupe dont Alfred Desrochers est l'âme dirigeante forme ce qu'on a appelé le mouvement littéraire des Cantons de l'Est. Puis on a dit que le mouvement littéraire des Cantons de l'Est était un peu le berceau de l'écriture féminine au Québec. Donc c'est sûr que ça lui donne des modèles de femmes qui écrivent, avec qui elle peut discuter d'écriture, de culture, puis ça va vraiment ouvrir ses horizons. Ouais. En 1934, elle décide de s'installer à Montréal, donc c'est le grand saut. Qu'est-ce qui l'amène dans la métropole, Sophie Doucet? On ne sait pas exactement pourquoi elle décide de s'installer à Montréal, mais en fait, elle le fait après son mariage avec son premier mari, Paul Smet, un ébéniste d'origine française qui a 10 ans de plus qu'elle. Elle, elle a 31 ans au moment de son mariage. Lui, 41 ans, c'est un vétéran de la guerre de 14, c'est un veuf et père de deux enfants. Ils vont se marier en 1934 et s'établir à Montréal, où Françoise devient pendant un an la secrétaire d'Olivier Asselin, le directeur du journal L'Ordre. Ça aussi, ça va ouvrir ses horizons, ça va la mettre en contact avec le monde des idées, du nationalisme, entre autres. Et en 1935, elle va donner naissance à son fils unique, qui va s'appeler François. Puis, elle va se voir confier la page féminine du journal d'agriculture. Puis, c'est à partir vraiment de ce moment-là qu'elle va se donner la mission d'aider concrètement les femmes rurales, d'abord en menant une première bataille pour que les manuels de tricot en français distribués au Québec utilisent les mesures plus familières en pieds et en pouces, plutôt que les grammes et les centimètres qu'on utilisait en France. Ouais, donc, c'est concret. Parce que les femmes s'y retrouvaient pas. C'est ça. Oui, c'est vraiment concret, oui. Ouais. En 1938, elle fonde la revue Paysanna. Ça aussi, évidemment, c'est une date importante dans son parcours. Un magazine qui s'intéresse aux femmes des campagnes, qui va aussi, il faut le dire, devenir une espèce d'incubateur de talents, de nouvelles voix féminines. Parmi ces voix, l'autrice Germaine Guèvremont. On écoute à ce sujet la chroniqueuse Carole Tran, au micro de Winston McQuaid à l'émission Radar, en 1992. Françoise Godet-Smette entre dans le décor. Elle projetait à ce moment-là. Elle est souvent là. Elle était là partout longtemps. Partout longtemps. Oui, quand on a parlé de Gaston Miron, elle était là. D'Alfred Desrochers, elle était là. Également. Elle est là encore dans la vie de Mme Germaine Guèvremont. Et à ce moment-là, elle veut créer une revue destinée aux paysannes. Ça deviendra la revue Paysanna. Et Claude-Henri Grignon, qui est le cousin de Mme Guèvremont, lui dit « Tu devrais l'engager, ma cousine, elle écrit bien. » Alors finalement, Mme Guèvremont va offrir ses services à Mme Smet, qui l'engage en lui disant « Bon, je vous engage, mais je veux que vous m'écriviez des contes, mais des contes paysans. C'est très important parce que c'est la clientèle que je vise et tout ça. » Alors, cette collaboration commencée en 1938 va se poursuivre jusqu'en 1945. Chaque mois, Mme Godet-Smette va l'appeler pour qu'elle lui écrive des contes. Et il y aura souvent des contes reliés à cette famille des Beauchemin. Alors, que dire de ce magazine Paysanna, Sophie Doucet? Quel objectif poursuit Françoise Godet-Smette avec cette revue-là? Bien, d'abord, il faut dire que Paysanna est née à la suite d'une lettre d'une lectrice qui, quand le journal d'agriculture a fermé, cette lectrice-là a écrit à Françoise Godet-Smette « Allez-vous continuer à vous occuper de nous autres? » Et il n'en fallait pas plus à Françoise Godet-Smette pour créé Paysanna en 1938 pour s'occuper, justement, des femmes rurales. Elle va diriger ce magazine-là pendant 13 ans. On dit que c'est un magazine personne parce qu'il est vraiment associé à la personnalité de Françoise Godette-Smith. Elle va faire 126 numéros. Et Paysanna, à l'époque, c'est la seule publication, à part l'Almanach du peuple, à entrer dans autant de maisons québécoises. Hein. Donc, ça va faire une œuvre d'éducation importante en rejoignant plus de 50 000 foyers. Paysanna a promu le mode de vie rural. Pour Françoise Godette-Smith, c'est le plus noble, c'est le seul à même d'apporter la liberté au cœur de l'homme. On se rappelle qu'on est dans les années 30, hein, où le chômage fait beaucoup de ravages dans les villes chez les ouvriers qui travaillaient à l'usine. Ouais. C'est aussi l'époque où le gouvernement du Québec encourage la colonisation de l'Abitibi, de la Gaspésie. Donc, son message arrive un peu en renfort là, de celui du gouvernement. Même si elle se situe en dehors de la politique et qu'elle voit quelque chose de moderne. Il y a quelque chose de moderne dans sa manière de vouloir que les femmes se réapproprient les savoirs anciens. Par exemple, elle dit aux lectrices de Paysanna, mais plutôt que d'acheter des vêtements tout faits sortant des usines, habillez vous-même vos enfants, votre mari, vous, de vos propres mains, mais aussi brodez des nappes, faites des courtes pointes, vendez-les en ville dans les maisons bourgeoises afin d'attirer l'argent des villes dans les campagnes. Donc, pour elle, il y a même cet esprit-là de... elle voit l'artisanat comme un levier économique pour les campagnes. Paysanna offre aussi, dans le fond, c'est une revue, comme vous l'avez dit, très concrète, qui offre de nombreux conseils aux mères de famille. Donc, en valorisant une saine alimentation, des soins dentaires, par exemple, il va y avoir une rubrique de conseils médicaux, des conseils mode, des recettes par nul autre que Jeanne Benoît, la rubrique tricot, la chronique hygiène et beauté, la page courrier dans laquelle elle répond à toutes les lectrices qui lui écrivent. Mais Paysanna fait aussi une place à la littérature. Il y a Germaine Guévremont qui a fait ses premiers pas dans Paysanna, mais il y a plusieurs auteurs et autrices qui y ont fait leurs armes. Parmi eux et elles, il y a Anne Hébert qui a écrit dans Paysanna, Gabriel Roy, Félix-Antoine Savard, Marie-Claire Develuie, Alfred Desrochers, Michel Lenormand. Il y en a toute une litanie, puis elle a un peu pris plusieurs jeunes auteurs sous son aile. Oui. Puis avec, encore une fois, un rayonnement important, ce qui va contribuer au succès de la revue. Début des années 40, elle décide avec son mari d'acheter une ferme à Saint-Sylvère dans les Bois-Francs et vont faire de cette ferme-là, de cette terre, de cette grande terre-là, une espèce de centre culturel et social qu'on appelle le domaine de Claire-Vallée. On l'écoute, Françoise Godette-Smith, en parler à la journaliste Renée Larochelle à l'émission Partage du matin en 1962. Madame Françoise Godette-Smith, qu'est-ce qu'on a fait à Claire-Vallée pendant ces 20 ans? D'abord, on a commencé à se remettre dans l'esprit de la terre. Parce que moi, même si je suis née à quelques milles de là, j'avais vécu 15 ans à Montréal. Je m'étais donc citadinée. Et là, je suis revenue parce que mon mari, qui était européen et qui avait découvert la beauté du décor, m'a ramenée dans ce décor-là. Alors, les premières années ont été lentes, ont été un peu un démarrage difficile. D'abord parce que c'était pendant la guerre. Alors, nous avons vécu 2 ans... sans électricité. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente? À partir des rôtis du matin jusqu'au fer à repasser, jusqu'à tout ce qui représente ce que nous appelons la civilisation. Ensuite, au bout de quelques années, j'ai ouvert ma maison pour des vacances d'été parce que je ne voulais pas garder tout ce bonheur-là pour moi. Donc, j'ai reçu des groupes d'études d'universitaires qui voulaient réapprendre un peu des choses de la terre, voir les choses à leur commencement. Ensuite, j'ai reçu beaucoup, parce que j'ai une propriété de 100 acres, dont la moitié est en forêt. Alors, j'ai eu des années, par exemple, où j'ai eu 150 scouts distribués sur la propriété. On ne s'en apercevait pas. D'abord, ils se cachaient un peu dans la forêt. Et ensuite, marche. Eh bien, j'ai pris des jeunes filles en pension pour donner des cours d'été, perfectionnement de cuisine. Et j'ai une bibliothèque de 2 à 3 000 volumes avec toutes des revues de partout. Donc, comment décrire ce lieu très particulier? On l'entend dans l'extrait que va être le domaine de Claire-Vallée, Sophie Doucet. Oui, ça c'est vraiment unique aussi. Hein. C'est à la fois une sorte de musée d'artisanat et une université aux champs. Où le couple Smith, parce que c'est vraiment un projet de couple, on l'entend dans l'extrait, recevait des étudiants dont le séjour était subventionné par le gouvernement du Québec. Donc, Claire-Vallée offrait des cours de François-Albert Anger sur les coopératives, de Jean-Marie Gauvreau sur l'artisanat, de Marius Barbeau sur le folklore. Et pour Jeanne Desrochers, la biographe de Françoise Godet-Smet, c'était une sorte de commune avant l'heure qui se délectait de camembert. Donc, une sorte qui préfigure un peu le retour à la terre des années 70. Et ça, ce sera vraiment un incubateur des idées de la Révolution tranquille avec toutes ces personnes qui vont y passer. Denise Boucher, l'auteur des Filles en soif, Gaston Miron, Louis Caron, Simone Monet-Chartrand, qui diront « Elle nous donnait envie de changer le monde tout en restant fidèle à nos racines. » Ouais. À partir des années 40, on l'a un petit peu évoqué plus tôt dans l'émission, mais Françoise Godet-Smet devient vraiment une personnalité publique qu'on entend partout à la radio, à la télévision. Parlez-moi de la personnalité publique que devient Françoise Godet-Smet justement à partir des années 40, Sophie Doucet. Quel est son grand message aux femmes qui la suivent? Je dirais que ben, sa devise, en fait, c'était « On n'attend pas les temps meilleurs, on les fait. » Donc, elle avait un grand sens pratique. Elle disait aux femmes, utilisez votre débrouillardise. Avec vos vieilles guenilles, vous pouvez faire des belles courtes pointes. Puis elle leur enseignait comment faire. Donc, son grand message, elle se voyait comme une éducatrice. Puis elle avait une sorte de message valorisant pour les femmes des campagnes en leur disant, vous êtes les gardiennes du patrimoine. Elle leur disait, vous êtes des professionnelles. Puis je pense qu'elle a joué un grand rôle en leur redonnant un sentiment de valeur. Puis elle a été un modèle d'affirmation pour beaucoup de femmes là, à travers tout ce qu'elle a accompli dans sa vie. Son principal legs, en terminant, vous diriez, qu'est-ce que c'est, diriez-vous? C'est tout son parcours, je pense. C'est toute son histoire. C'est sûr que Paysanna, c'est probablement son œuvre majeure. Mais aussi, on l'entend très bien dans les extraits que vous avez présentés, toute cette personnalité-là qui ne se laissait pas abattre. Hein. Elle a perdu son mari en 1950. Elle s'est remariée à 63 ans avec un biologiste. Son domaine Claire-Vallée a passé au feu. Elle a racheté la maison de ses parents à Aston-Junction puis elle en a fait un musée de l'artisanat. Donc, c'était quelqu'un qui incarnait aussi son message en elle ne se laissait pas abattre hein, par les événements. Elle allait de l'avant, elle fonçait, puis elle avait un franc-parler inimitable. Ouais. Donc, ouais. Rien de victimaire chez Françoise Godet-Smet. Non, rien de victimaire, puis rien à son épreuve. Tout est possible à sa manière, tu sais. Sophie Doucet, spécialiste de l'histoire des femmes, ça a été un bonheur de faire cette émission avec vous. Merci beaucoup. Ben, merci à vous. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.